Guira. La mise en onde est assurée par Eric Ouimana. Voici le journal de la mi-journée, dont voici tout d'abord les principaux titres. Le gouvernement burundais vient d'adopter un projet de loi fixant Gitega comme capitale politique burundaise et Bujumbura comme capitale économique. Vous aurez les détails tout à l'heure. La police de roulage, PCR en sigle, met en garde les transporteurs qui seront coupables de l'excès de vitesse pendant cette période de fin d'année. Roger Banhibigwira, commandant de cette police, l'a dit ce jeudi. C'était dans une rencontre avec les associations œuvrant dans le secteur de transport. Et en province Ngozi, la mise sur pied d'un organe indépendant chargé de l'évaluation des réalisations des chefs culinaires serait de grande importance pour l'intérêt de la population. Ce sont les réclamations des participants dans un atelier d'échange entre les élus locaux et les leaders communautaires. Et enfin, dans cette édition de la chronique Environnement d'aujourd'hui, on vous parlera des ravins qui traversent les différents quartiers de la ville de Bujumbura qui sont menacés d'effondrement. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, je vous le disais tout à l'heure, adoption ce vendredi par le gouvernement burundais fixant Gitega comme capitale politique burundaise et à Gitega, tandis que la capitale économique sera implantée à Bujumbura Mairie, comme confirmé par le porte-parole du président de la République, Jean-Claude Kalegwandenzako. Sur son compte Twitter, les séances du Conseil des ministres se tiendront désormais à Gitega, où 5 ministères seront aussi établis dès le début de l'an prochain 2019. Et la page de sécurité routière, la police de roulage PCR en sigle met en garde tout transporteur qui serait coupable de l'excès de vitesse pendant cette période de fin d'année et dit avoir constaté beaucoup de cas de perte des vies humaines dues à l'excès de vitesse, surtout en fin d'année. Dans une rencontre avec les associations œuvrant dans le secteur de transport ce jeudi, Roger Banhibigwira, commandant de la PCR, avertit que les punitions sévères ont été envisagées suivies. En cette période de fin d'année où les gens s'adonnent à des activités de réjouissance, où les élèves rentrent de l'école ou retournent à l'école, je voudrais en appeler à leur conscience pour qu'ils comprennent encore une fois qu'ils ont la lourde charge de veiller à la sécurité des vies qu'ils transportent. Qu'ils cessent de succomber à la pas du gain en se rendant coupables d'excès de vitesse ou d'excès de chargement, en évitant d'aller au volant en état d'ivresse, en évitant de faire payer les passagers plus qu'ils ne devraient le faire, en veillant à ce que les gens soient transportés dans des conditions optimales de confort et de sécurité. Le message va également à l'endroit des administratifs pour qu'ils veillent à ce que leurs administrés soient respectés en toute sécurité, surtout en ce qui est de la sécurité routière. Permettez aussi que je rappelle que la sécurité doit primer sur l'argent en cette période où les accidents de roulage sont susceptibles d'augmenter en nombre et en intensité. C'était Roger Banhibigwira. Il est commandant de la police de roulage. La mise sur pied d'un organe indépendant chargé de l'évaluation des réalisations des chefs culinaires serait de grande importance pour l'intérêt de la population. C'est le souhait des participants dans un atelier d'échange entre les élus locaux et leaders communautaires de la province Ngozi sur l'état de recevabilité des acteurs conformément à la loi communale. Selon eux, il a été constaté que des fois, certains chefs culinaires servent leurs administrateurs plus que la population électrice. Apollinaire Mouzaga, la correspondance. Les participants dans cet atelier indiquent que les chefs de colline, en bon terme avec l'administrateur communal, ne sont jamais inquiétés, même s'ils ne sont pas appréciés par la population. Ils donnent l'exemple d'un chef de colline décédé, puis l'annonce de sa mort a été suivie par des festivités, d'où la proposition d'un autre organe de suivi et évaluation des réalisations des promesses faites pendant la campagne électorale, autre que son chef hiérarchique. Bon nombre de chefs de colline affirment tenir régulièrement chaque trimestre une réunion d'autres évaluation avec toute la population, certains participants n'ont pas manqué de doute, arguant que la plupart de ces chefs de colline n'ont pas de cahier de charge, d'où ils parlent de leur côté des réunions ordinaires. Jean Bosco Arelimana, professeur d'université, facilitateur dans cet atelier d'échange, appelle à cet effet ses élus locaux, de la colline jusqu'au niveau communal, d'asseoir réellement la bonne gouvernance, indiquant que cette dernière va de pair avec le développement. Cet atelier de 3 jours organisé par l'association Ichiro Chamahoro, Care International Burundi, a vu la participation des administrateurs communaux, des chefs de colline, les représentants des confessions religieuses, ceux de la société civile et autres. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Merci Apollinaire Muzagara. Après une courte pause, on va passer en page santé. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Des violences faites aux mineurs ainsi que la maltraitance des domestiques sont parmi les violences basées sur le genre les plus fréquentes, constat du réseau des enfants et des jeunes africains pour les droits humains, Réja Dansigram. C'était ce vendredi lors d'une conférence de presse. Pérez, représentant légal de ce réseau, demande au gouvernement de mettre en place des centres publics d'écoute pour les victimes de violences sexuelles basées sur le genre suivi. Les personnes prises sont des violences, sont des femmes. En global, sont des femmes, mais on n'a pas manqué de signaler que les hommes aussi subissent des violences basées sur le genre, mais les femmes sont des victimes de haut niveau. Les violences, on peut citer les violences sexuelles, les violences économiques, les violences psychologiques, donc les violences sont multiples. À l'endroit des gouvernements, je peux suggérer qu'il y aurait des centres d'accueil des victimes pour qu'on facilite quelques organisations ou bien les journalistes trouver facilement les victimes des violences basées sur le genre étant ensemble dans le centre qui est là. Par rapport à la communauté, c'est la question de tous. Il faut que quelqu'un ou quelqu'un, là où il est, qu'il puisse prendre à sa part la question des violences basées sur le genre. Et en page de transport, cette fois-ci en province Cibitoke, c'est à l'ouest du pays, à 13h06. Les passagers qui prennent leur voyage en taxi ou minibus ou encore des motos se disent satisfaits de la mise en application de la réglementation de transport en province Cibitoke. L'excès de chargement est en effet puni. La police dit qu'il faut en finir avec le désordre. Les précisions d'Alexis Ndaïra-Guidje depuis Cibitoke. Certains taxis-voitures qui transportaient plus de 5 personnes, pour le moment, transportent seulement 4 personnes. Les minibus, pour le moment, transportent 18 personnes, alors que bien avant, ils transportaient plus de 20 personnes. La personne annexée est sanctionnée d'une amende de 50 000 francs pour amende payée par le transporteur. Cet excès de chargement se faisait souvent sur les tronçons menant vers l'intérieur de la province Cibitoke. Pour le moment, les motards qui travaillaient illégalement ont préféré suspendre leurs activités. Le commissaire provincial de la police à Cibitoke, Bonfond André Laho, indique que tout chauffeur doit travailler dans la légalité, que c'est un moyen de lutter contre le désordre. Même si les passagers, sur le jeu de ce changement opéré par son nouveau commissaire, ceux qui travaillaient dans le désordre, c'est la désolation. À part la liste de ce désordre, les parkings également ont été déménagés. Au sein de la police, on indique qu'ils étaient également source de plusieurs accidents près de la RN5. Depuis Cibitoke, Alexis Ndaïra-Guidje pour la radio Isanganiro. Merci Alexis. Quittons l'ouest pour aller au centre du pays où certains jeunes du site des déplacés de Gagnoni croient au bon déroulement des élections de 2020 si la cohabitation entre ceux qui sont restés sur les collines est restée bonne. Quant à Chartier Niungeko, coordinateur de l'ONG, il paraît que les jeunes doivent recevoir des notions sur la démocratie. Il fait également savoir que parmi les facteurs qui font que les jeunes soient instrumentalisés figure la pauvreté. Arthur Kavabushi, correspondance. Le passé a déjà démontré qu'en approche des élections, il se manifeste une intolérance politique entre les jeunes affiliés dans les différents partis politiques. La radio Isanganiro s'est entretenue avec les jeunes du site des déplacés de Gagnoni, zone Kabanga, commune Guiheta, en province de Gitega, se trouvant sur le bord de la route nationale numéro 2. Comme Moutoy Dismas, habitant dans le site, le dit, la cohabitation entre ceux qui sont dans le site et ceux qui sont restés sur les collines est bonne. Pour Jean Bosco Chimilmana, la vie dans le site est difficile, comme les travaux de développement, car ils doivent parcourir beaucoup de kilomètres pour aller labourer leurs champs. Quant aux élections de 2020, ce jeune indique que ça dépendra du climat politique de ce moment, mais actuellement, souligne-t-il, ils sont sereins. Niungeko Chartier, coordinateur de l'ONG Miparek, dit que ces jeunes doivent recevoir des notions sur la démocratie, faute de quoi ils auront une attitude de se voir toujours en champ de faïence, alors que ça ne devrait pas être le cas. Boutoy Dismas dit qu'il y a des réalisations qui ont été faites pour arriver à cette bonne cohabitation. Il fait savoir que ça se traduit par une libre circulation sur leurs collines d'origine, mais également ceux qui sont restés sur les collines circulent sans problème dans le site. Même dans les réunions administratives, ils ne parlent que de la réconciliation, comme le dit Boutoy Dismas. Jean Bosco Chimilmana fait savoir qu'ils ont gagné au niveau de la bonne cohabitation, qui se traduit par le fait qu'ils peuvent aller sur leurs collines d'origine, travailler avec ceux qui sont restés dans les travaux de développement. Boutoy Dismas, lui, appelle d'autres jeunes à s'atteler aux travaux qui vont leur faire avancer dans la vie et de ne pas se laisser influencer par les politiques. Quant à Chartier Niungeko, les jeunes sont instrumentalisés à cause de la pauvreté dans laquelle ils vivent, ce qui fait que certains politiciens les utilisent dans de mauvaises choses. Ils se battent et vont jusqu'à s'entraîner. Ce site de Yanyoni de la zone Kabanga, commune Gihéta, province Gitega, compte 1020 habitants. La bonne cohabitation qui caractérise les jeunes du site et des collines est un espoir pour le bon déroulement des élections de 2020. Depuis le site des déplacés du site Yanyoni de la commune Gihéta, province Gitega, Arthur Kababushi pour la radio Isanganiro. Merci Arthur Kawabushi. Le reste de l'actualité en bref, le gouverneur de la province Kirundo, Alain Tribert Mutawadi, se dit satisfait du climat politique qui règne dans la province Kirundo. Dans une réunion d'évaluation politique avec les représentants des partis politiques ce jeudi, certains leaders politiques demandent au gouverneur de la province de leur faciliter davantage la tenue de leur réunion au niveau collinaire. Et le Burundi doit retirer 1000 soldats de la Somalie d'ici le 28 février 2019. Cette décision a été prise pour se conformer à la résolution 2431 du Conseil de sécurité des Nations Unies, comme c'est mentionné dans une lettre de la Commission de l'Union africaine adressée au Bureau d'appui des Nations Unies pour la Somalie. La résolution 2431 vise la réduction du personnel militaire de la MISOM. Et la Banque centrale a pris la décision le 17 décembre, de retirer l'agrément à 4 institutions de microfinance, une décision prise conformément à l'article 99 relatif aux activités du règlement relatif aux activités de microfinance, TPO Microfinance, ITK Microfinance. SEFCAM de chez Guy Kirané et CCI ODAG sont accusées toutes d'avoir cessé leur paiement. Les activités de ces institutions ont cessé depuis une période comprise entre une année et 3 ans, mais aussi elles ne sont pas acquittées des frais annuels de supervision depuis une période comprise entre une année et 5 ans. Tout ce que demande la Banque centrale à ces institutions, c'est de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de passer à la liquidation. Et certains commerçants du marché Kinama, récemment réhabilité, disent être inquiets pour cause du retard de sa réouverture. Le constat est que le marché reste fermé, les travaux de reconstruction sont paralysés. Ces commerçants demandent à la commission ad hoc de la mairie de Bujumbura de réouvrir ce marché afin d'éviter des pertes qui se manifestent déjà. Jean-Marie Vianengendakuman. Arrivé au marché, les Sama réhabilités en zone urbaine de Kinama, des stands encore de construction s'observent. Certains commerçants de ce marché disent être inquiets pour la cause de sa réouverture, alors que les autres marchés réhabilités fonctionnent normalement. Pour nous, nous accueillons cette situation très difficilement, même mal, parce que ici à Kinama, la vie ne va pas bien, parce que nous, les commerçants, nous sommes dans la situation difficile. Parce que nous travaillons dans les localités. Ce commerçant indique qu'il travaille à perte dans le marché provisoire. Nous travaillons dans les localités là où on a mis